cours numéro 33. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Fafi darsina al-akhir, qara'na kalam Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah fi hadha al-fasl al-muhim, أي ما يتعلق بالقدر. قوله: وتؤمن الفرقة النادية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره. واستفدنا ولله الحمد dans le dernier cours. Donc on a lu le chapitre concernant le destin. واستفدنا أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بالقدر. Donc ils croient au destin. Et ce destin, il est fondé sur quatre points importants, sur quatre degrés. Le premier, l'ilm, Allah subhanahu wa ta'ala, il sait tout. Et le deuxième, al-kitaba, Allah azza wa jalla, il a tout écrit fil lawh al-mahfouz. Le troisième, al-mashi'a, Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qui se passe, fa aradahu iradatan kawniyya qadariyya. Et le dernier degré, al-khalq, Allah subhanahu wa ta'ala, il a tout créé. واستفدنا كذلك أن العباد فاعلون حقيقة أن الله عز وجل, c'est lui qui a créé l'être humain, c'est lui qui a créé ses œuvres, et l'être humain, c'est lui qui fait. Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a donné une volonté. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il récompensera ceux qui lui ont obéi, et il punira ceux qui lui ont désobéi. سبحانه وتعالى أي كليون ديزوبي من الكفرة أما الكرويان فإيسون تحت المشيئة. نعم, ثم اليوم إن شاء الله تعالى نقرأ الشرح وبالله التوفيق. قال العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: اعلم أن الإيمان بالقدر أمره عظيم وشأنه مهم جدا. هذا الباب il est très très important. لماذا؟ لأنه c'est un pilier parmi les piliers de la foi. أركان الإيمان الست, ومن هذه الأركان الإيمان بالقدر خيره وشره. فأمره عظيم, فلا يصح إيمان المؤمن إلا بهذا الإيمان, بهذا القدر. La foi du mu'min elle est pas acceptée sauf si il croit au qadr. لهذا ceux qui ont rejeté القدر وأن الله سبحانه وتعالى لا يعلم الأمور إلا بعد وقوعها, ceux qui ont prétendu من القدرية الأولون الضلال, qui ont prétendu أن الله عز وجل il ne sait pas ce qu'il se passe qu'après que cette chose elle se soit passée, فهؤلاء c'est des كفار, c'est des mécréants, il n'y a aucun doute. أمر القدر أمر عظيم وشأنه مهم, لأن هناك طوائف انحرفت في هذا الباب, des groupes qui se sont égarés, المعتزلة والجهمية, ils se sont égarés في هذا الباب. وكثير من الناس, et beaucoup de gens, ils ont des ambiguïtés في هذا الباب العظيم. C'est pour ça que العلماء يذكرون أن هذا الإيمان القدر بالقدر il est fondé sur التسليم والإنقياد, comme tous les fondements bien sûr. On doit se soumettre pleinement. Et on doit avoir un husnuddan billahi azza wa jal. Allah subhanahu wa ta'ala, il a tout créé, il a tout décrété. Et il jugera l'ibad. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est juste. Et il n'y a aucune contradiction fi af'alillahi azza wa jal. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a décrété. C'est lui qui a écrit. C'est lui qui jugera. C'est lui qui récompensera. C'est lui qui punira. Fa'alam, akhil karim. Il n'y a aucune contradiction. Bah, le fait de croire qu'il y a une contradiction, c'est très très grave. Allah subhanahu wa ta'ala akhbarana fil Qur'an al-Karim annahu il a tout écrit. Fi kitabin mubin. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que Allah subhanahu wa ta'ala il a tout décrété. Qabla an yakhluqa as-samawati wal-ard bi 50 alf sana, 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. On doit se soumettre. Et on doit se limiter à la voie des salafs fi hadha al-bab. Al-hadar min at-tafakkur kathiran ومن الأسئلة كالسلف إذا با بوزي دي كيستيون إنوتيل التعمق والتنطع في هذا الباب إكزاجيري كذلك تو سا سان باب ديكارمون نحن نتكري بور أدوري الله سبحانه وتعالى فسلوك أدور الله عز وجل يسوغ على خير. قال الشيخ سعدي رحمه الله وهو أحد أركان الإيمان الستة وقد انحرف فيه طوائف من أهل البدع والضلال فضلا عن المنكرين من الملحدين وغيرهم. نعم أما المنكرون والملحدون ceux qui ont rejeté complètement l'islam والإيمان والقدر فهؤلاء c'est des kuffars il n'y a aucun doute. وانحرف الطوائف من أهل البدع في هذا الباب des groupes qui se sont égarés. Et on en a déjà parlé, walillahi alhamd, et Cheikh Saadi, il a cité ces groupes. قال وقد فصله الشيخ في هذا الفصل بهذا الكلام الجامع النفيس الذي لا يوجد له نظير في تحقيقه وتفصيله وجمعه وتوضيحه وهو مجموع من نصوص الكتاب والسنة ومن العقيدة السلفية الخالصة. نعم شيخ الإسلام رحمة الله عليه dans ce passage il a résumé ce fondement avec un kalam tayyib, des paroles très très simples résumées fondées sur le Coran et sur la Sunna, ça donne de l'importance à cette aqida. Pas parce que c'est Cheikh l'Islam qui l'a écrit رحمة الله عليه, là donne-lui de l'importance parce que Cheikh l'Islam il l'a écrit en se basant sur le Coran. Et sur la sunna. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala il a élevé هذا l'imam, ce shaykh, et كذلك il a élevé son ilm. والناس يتنافسون في كتب الإمام ابن تيمية رحمه الله. C'est pour ça qu'on l'aime, نحن l'aime في الله عز وجل, لأن الله subhanahu wa ta'ala il l'a élevé et ses livres ils étaient fondés sur le haq. Ça donne de l'importance à هذا المعتقد. Vous avez remarqué que chaque bab, que ce soit bab al-sifat, أو باب الرؤية أو باب الشفاعة أو هنا باب القدر أو باب العلو tous ces chapitres qu'on a étudiés ensemble et نسأل الله عز وجل التوفيق pour pouvoir terminer c'est un résumé de la voie des salafs dans les fondements de la aqida. C'est pour ça que celui qui comprend هذا الكلام ce passage sur le qadr et qui l'apprend par cœur alhamdulillah il connaîtra la voie des salafs, il aura des arguments من القرآن من السنة et alhamdulillah c'est ça l'ilm. قال فذكر أنه لا يتم الإيمان بالقدر إلا بتحقيق هذه الأمور الأربعة التي يفتقر كل منها إلى البقية أي les 4 degrés du qadr ils sont liés. Donc le destin il est fondé sur ces 4 degrés, la science العلم والكتابة أن الله عز وجل لا تتكري في اللوح المحفوظ المشيئة أن الله سبحانه وتعالى tout ce qui se passe il l'a voulu et الخلق الله سبحانه وتعالى il a tout créé. Donc ça c'est les 4 degrés ou tu peux les appeler les 4 fondements du qadr et les 4 ils sont liés. فلهذا قال الشيخ سعدي رحمه الله التي يفتقر كل منها إلى البقية. نعم فمثلا si Allah سبحانه وتعالى il a écrit telle chose c'est qu'il le savait et c'est tout subhanahu wa ta'ala. S'il a مثلاً, écrit que telle chose allait se passer aujourd'hui ce jour qu'on vit, Allah subhanahu wa ta'ala s'il l'a écrit ou il a ordonné au qalam de l'écrire c'est qu'il le savait. Na'am. Et s'il l'a écrit ça se passera et cette chose qui se passera c'est une créature parmi les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. فلا شك أن هذه الأمور الأربعة مرتبطة أي elles sont liées ces quatre choses أو ces quatre points. نعم. قال وقد ارتبط بعضها ببعض ارتباطا وثيقا لا ينفصم إلا بالانحراف إلى الأقوال المنحرفة. نعم c'est pour ça que بعضهم ils se sont égarés الجبرية والقدرية في هذا الباب. لماذا؟ لأنهم ils ont accepté une partie et ils ont délaissé l'autre. Ils se sont égarés. قال وذلك أنه ثبت في نصوص الكتاب والسنة بإحاطة علم الله بجميع الموجودات السابقة والحاضرة والمستقبلة من أعيان وأوصاف وأفعال للمكلفين وغيرهم. نعم, on a des textes qui montrent أن الله سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علما وهو بكل شيء عليم وهو الخبير وهو العليم. Combien de أدلة on a أن الله عز وجل il sait tout, belle sa science elle cerne tout, elle englobe tout, subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est le premier degré, al-ilm. On doit avoir cette croyance, Allah subhanahu wa ta'ala il sait tout. Il sait tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe et tout ce qui se passera. Azza wa jalla, il a toujours su. Et il le saura toujours. Al-ilm, c'est une sifa dhatiyya. Qala wa tuthbitu an-nusus aydan anna Allah أثبت علمه بالكائنات والموجودات دقيقها وجليلها في اللوح المحفوظ في نصوص لا يمكن إحصاؤها. On en a étudié ensemble, ولله الحمد, dans le درس précédent. قوله عز وجل لم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب. إن ذلك في كتاب. Et قوله عز وجل وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. Hey, Allah subhanahu wa ta'ala, il a tout écrit dans un livre. Il a ordonné al-qalam, uktub, écrit. Quand il a créé la plume, al-qalam, faqala ma aktub, qala uktub ma huwa ka'inun ila yawm al-qiyam. A écrit tout ce qu'il se passera jusqu'au jour dernier. Donc ça, c'est le deuxième degré. Wa tuthbitu nusus aydan anna Allah athbata ilmahu bil ka'inat wal mawjudat daqiqaha wa jaliliha. Toutes choses, les grandes choses, les petites choses, les choses apparentes, les choses cachées, les choses qu'on connaît, les choses qu'on ne connaît pas en tant qu'être humain, voilà. Toutes ces choses, elles sont écrites, comme qala, on a fi al-lawh al-mahfouz fi nusus la yumkin ihsa'uha. On a beaucoup de textes fi hada ay min al-Qur'an wa min as-Sunnah, Allah azza wa jalla il a tout écrit. Qala wa tuthbitu an-nusus aydan anna mashi'at Allah عام وإرادته القدرية الشاملة لا يخرج عنها حادث صغير ولا كبير ولا عين ولا فعل ولا وصف وأنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. Le troisième degré, المشيئة. كذلك, tout ce qu'il se passe, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a voulu. إرادة قدرية كونية. Le bien et le mal, les choses apparentes, les choses cachées. Al-a'yan, al-af'al, al-awsaf. L'être humain, il est créé. Ses œuvres, elles sont créées. Son comportement, il est créé. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé toutes les créatures. Wa annahu ma sha'a Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Et huna inharafat ba'd at-tawa'if. Ils ont dit là, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne peut pas vouloir, مثلاً, al-kufr, ou le mal. Les mâles, les anahum, ils n'ont pas différencié entre al-irada al-shar'iyya, la volonté al-shar'iyya, que Allah subhanahu wa ta'ala, il aime, comme la foi, comme la croyance, comme les croyants, etc. Ou al-irada al-kawniyya al-qadariyya. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a voulu l'existence et la création de shaitan. C'est lui qui a voulu que Al-Kuffar, ils existent, etc. Tout ça, c'est par la volonté d'Allah, Azza wa Jal. Et tout cela, comme taqaddam ma'ana, c'est les hikmah, on avait lu. Kalam, Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayhi. Tout ça, c'est fondé sur la sagesse. Anam. Enfin, différencier entre al-irada, al-kawniya, la volonté, al-kawniya, qui est liée au destin, et Allah, il a tout voulu, et al-irada, la volonté shar'iyya, qui est liée à la religion, à ce que Allah, il l'aime. Différencier Huna, ça évite beaucoup d'ambiguïté. Et le fait de dire que certaines choses, Allah ne les a pas voulues, c'est très très grave. Léana, ça veut dire que certaines choses qui se passent, fi mulkillah, fi malakoutillahi azza wa jal, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne les a pas voulues. Et elles se passent quand même. Ça, c'est très très grave. Hada, c'est du naqs. Wallah subhanahu wa ta'ala, nazzaha nafsahu ani naqs. سبحانه وتعالى عما يشركون فالله سبحانه وتعالى il a aucun manquement, aucune imperfection. Chaque chose qui se passe dans son royaume, il le sait. سبحانه وتعالى, il nous voit, il nous entend. C'est lui qui nous a créé et il a su tout cela avant de créer la créature. Cette chose qui se passe, Allah سبحانه وتعالى il l'a voulu. وإلا elle ne se serait pas passée. لكن il l'a voulu كونا وقدرا si c'est quelque chose en apparence de mauvais. Mathalan, le shaitan, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a créé. Si Allah subhanahu wa ta'ala il n'aurait pas voulu que shaitan il existe, shaitan il n'aurait pas existé. Mais c'est une épreuve pour l'être humain. Est-ce que tu vas obéir à Allah subhanahu wa ta'ala ou tu vas suivre tes passions et shaitan? Est-ce que tu vas faire des efforts pour combattre ce shaitan? Est-ce que tu vas faire les causes pour te préserver de ce shaitan? Thumma, un jour azim, Allah subhanahu wa ta'ala, il jugera jami' al-ibad, il jugera tous ses serviteurs. Cette épreuve, ce test qu'on a tous passé, fid-dunya, on sera jugé. Il y a une hikma azim. Celui qui étudie les textes, et fahmi salaf, avec la compréhension des salafs, alhamdoulilah, il n'y a aucune ambiguïté. C'est clair. Cette religion qui est fondée sur la croyance, elle est claire. Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé hadd al-din au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour nous guider. Les ambiguïtés, elles viennent des égarés. Les ambiguïtés, elles viennent à cause de l'ignorance. Les ambiguïtés, elles viennent. Les madali anna ba'd an-nas, ils mélangent les priorités. Au lieu d'apprendre leur din, au lieu d'apprendre leur aqid, au lieu d'apprendre cette croyance auprès des savants de la sunna, en revenant à leurs ouvrages, en faisant des efforts, directement, iyadan billah, ils essayent de comprendre les ambiguïtés. Et ils polémiquent. Et ils lisent certains ouvrages alors qu'ils ne sont pas prêts. Thumma, ils ont des doutes. C'est pour ça que les ulama sunna, ils mettent en garde da'iman, qadiman wa hadithan, contre. Ils mettent en garde dit-on contre le fait de lire ou de revenir aux égarés. Khassatan fi mithl hadhihi al-abwab, al-aqida. Que ce soit dans les noms d'Allah, azawajal, dans les attributs, ou dans le destin, ou autre. Al-insan yuhafidh ala hadhihi al-ni'ma. Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité. Androu hadha al-kitab qu'on a entre les mains, wa lillahi al-hamd. Al-matnu lil-imam ibn Taymiyyah rahimahullah. Une référence. في السلفية une référence في منهج أهل السنة والجماعة une عقيدة très très simple quelques pages وهذا الشرح الطيب de الشيخ السعدي رحمه الله تعالى un كلام très très simple وأنت t'as plus qu'à profiter et à mettre en application et à propager قال الشيخ السعدي رحمه الله والنصوص على شمول قدرة الله ومشيئته لكل حادث لا تحصى وتثبت النصوص أيضا أن العباد مختارون غير مجبورين على أفعالهم وأن أعمالهم خيرها وشرها واقعة بمشيئتهم وقدرتهم التي خلقها الله لهم وخالق الأسباب التام خالق للمسبب la quatrième درجة le quatrième degré أن الله عز وجل لا تكري Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé l'être humain, il a créé toutes les créatures. Il a créé que les œuvres de l'être humain. Nos actes sont créés. هذا قوله رحمه الله واقعة مشيئتهم وقدرتهم التي خلقها الله لهم. مع ذلك Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné une قدرة, il nous a donné une capacité. On a une volonté. Et tout ça, ça fait partie de la créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créé. Il nous a donné cette volonté, cette capacité qui est créée, et il a tout décrété, et il nous a ordonné de l'adorer. Wa'alam anna, tout cela, il n'y a aucune contradiction, on fait des efforts. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il te facilite. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il sait ce qu'il y a dans ton cœur. Celui qui a du bien dans son cœur, Allah subhanahu wa ta'ala, il le guide, il le facilite. وخالق السبب التام خالق للمسبب قال وبهذا ينحل عن العبد الإشكال ويتسع قلبه للجمع بين إثبات عموم مشيئة الله وقدرته وشمولهما لأفعال العباد مع وقوعها شرعا وحسا وعقلا باختيارهم Donc tu as deux choses. La première chose, أن الله عز وجل il a tout créé. Il a tout décrété. Subhanahu wa ta'ala. C'est tout ce qu'on vient de voir, walillahi alhamd, concernant le destin avec les quatre degrés. Une autre chose, anna al-insan, l'être humain, malgré cela, ou plutôt avec cela, il a le choix. Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a donné une qudra, une volonté, une capacité. Ikhtiyar, tu as le choix. Faman sha'a minkum. فليكفر أو نعم نعم نسيت الآية. نعم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هكذا. نعم، donc celui qui veut croire qu'il croit et celui qui veut mécroire qu'il mécroit. Ça veut pas dire que tu as le choix min haythu an tu choisis ce que tu veux. Là, là, tu as le choix de croire ou de ne pas croire. Thumma al-insan, il assumera ses responsabilités. Celui qui croit, il sera récompensé. Celui qui mécroit, qui ne croit pas, il sera châtié. قال وبهذا ينحل عن العبد الإشكال. Si tu as compris هذه العقيدة qui est très très simple, بإذن الله عز وجل tu auras plus de إشكال. الإشكال c'est les ambiguïtés, l'incompréhension, les problèmes, du mal à comprendre. قال ويتسع قلبه. كذلك ton cœur ولله الحمد il sera prêt à accepter ces deux points, que Allah il a tout créé, il a tout décrété, et que tu as le choix. Tu n'es pas contraint, tu n'es pas forcé. Ces deux points, deux groupes, ils se sont égarés. Al-Qadariya et Al-Jabriya. Bardahum, ils disent que les actes de l'être humain, ils ne sont pas créés, ils se sont égarés dans le premier point. Et d'autres, ils disent que tu n'as pas le choix, tu es forcé. Ils se sont égarés. Al-Sunnah, ils ont tout pris. Walillahi alhamd. Ces fondements qui sont cités dans le Coran et dans la Sunna sur le Qadar, ils ont tout accepté, alhamdulillah. Ils ont accepté qu'Allah il a tout décrété et ils ont accepté qu'ils ne sont pas forcés, ils ont le choix et ils ont fait des efforts. قال فمتى جمع العبد هذه المراتب الأربع. Donc celui, wallahi alhamd, qui accepte et qui croit aux 4 degrés du Qadar, wa amana biha imanan sahihan kana hadha huwa al-mu'min bil qadr haqqan. الذي يعلم أن الله بكل شيء عليم وعلمه بالحوادث قد أودعه في اللوح المحفوظ والحوادث كلها. الحوادث أي الحادث المخلوق la créature. والحوادث كلها تجري على ما علمه الله وكتبه تقع بأسباب ربطها العزيز الحكيم بمسبباتها. donc الحوادث أي les créatures, elles ont toutes été créées. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait tout. Tout cela, c'est par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout est écrit. On revient en 4 points. Et alhamdulillah, comme il dit, il y a des causes. Tu veux une chose, tu dois faire les causes. Hada, c'est un kalam tayyib. On ne doit pas se reposer sur le qadar. On ne sait pas c'est quoi notre destin. Les choses, elles sont liées aux causes. Tu as des conséquences et ce qui arrive, et la conséquence, elle est fondée ou elle est basée ou elle est précédée sur une cause. En tant que hub, ta croyance au destin, elle ne doit pas t'écarter de l'application des causes. Tu fais les causes et tu crois au destin. Mathalan, on doit faire les, ou plutôt, on a la croyance au destin que si on doit tomber malade, on tombera malade. Mathalan, avec ce virus qui est propagé. Allah subhanahu wa ta'ala, cette pandémie, ce virus, c'est lui qui l'a qadr, c'est lui qui l'a créé. C'est lui qui l'a décrété. Cette pandémie, elle a été écrite, fil lawhil mahfoud, 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Il a créé la voie de, ou la croyance de l'Ahlus Sunnah dans le Qadr. Donc, vu que nous, on vit à cette époque, on peut tomber malade. Est-ce que on doit se reposer sur le qadar et dire si c'est écrit, je tomberai malade, c'est pas écrit, je ne tomberai pas malade? Qu'on le dise ou pas, c'est comme ça. C'est pour ça que on doit faire les causes. Faire les causes pour ne pas tomber malade. Donc tu fais les causes. Tout ce qui est lié au confinement, tout ce qui est lié à ne pas se mélanger, tout ce qui est lié à la propreté, etc. Les fondements qui sont authentiques, qui ont été prouvés par les docteurs, par les médecins qui ont été acceptés, wallahi alhamd, par les savants et autres, tu mets en application. Quand tu as mis en application, alhamdulillah, tu peux tomber malade. Peut-être que Allah Azza wa Jal, il a décrété que tu tomberas malade, peut-être que tu ne tomberas pas malade. Et tu avances, wallahi alhamd. C'est ça le lien entre les causes et le destin. C'est très très important. قال الشيخ سعدي رحمه الله والأسباب والمسببات من قضاء الله وقدره. الأسباب والمسببات. Les causes, les conséquences, tout ce que tu fais, ça fait partie du décret d'Allah Azzawajal. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a su, il l'a créé, il l'a voulu, il l'a écrit. Tout ce qu'il se passe. قال ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة والنار. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح المتفق على صحته إلى في صحيح البخاري وصحيح مسلم comme c'est cité dans la note de page, il a informé ses compagnons رضي الله عنهم أن قال ما منكم من أحد ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة والنار. Chacun de vous, sa place au paradis ou en enfer, elle est déjà connue. Allah subhanahu wa ta'ala, il a déjà décrété ceci. Donc c'est déjà connu. Est-ce qu'on ira au paradis ou en enfer? Lakin nous, on ne sait pas. Celui qui connaît, c'est Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et il a ordonné le qalam d'écrire tout cela dans le lawh al-mahfoud. Subhanahu. فقالوا ils ont répondu رضي الله عنهم يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل. Cette question كما تقدم أمس au départ, en tant qu'être humain tu peux te poser cette question. الصحابة رضي الله عنهم ils l'ont posé. La première fois que tu entends أن toute chose elle est décrétée إلى آخره, en tant qu'humain tu peux avoir cette question, c'est tout à fait normal. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليهم هذا السؤال. Il les a pas réprimandés par rapport à cette question. Il y en a au départ, c'est normal. Quand tu t'es posé cette question dès que tu as étudié le qadr et tu étudies la réponse du prophète alayhi salatu wassalam, thumma, avance, akhil karim. Ne reste pas à te poser trop de questions, des problématiques, des pourquoi, des comment. Mais ça va ouvrir une porte à shaitan. Et à shaitan, il fait beaucoup de mal à l'être humain. من هذا الباب اي par rapport à ce genre de masail, il fait beaucoup de mal. حتى بعض المسلمين ils ont des doutes. بعض المسلمين ils arrivent plus à œuvrer convenablement, correctement, sincèrement, en étant motivés. Pourquoi? لانهم ils se posent cette question, peut-être que mon destin il est kada kada, donc ça sert peut-être à rien. نعوذ بالله. C'est très très grave هذا. قال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. النبي صلى الله عليه وسلم il a répondu avec هذا الجواب عليه الصلاة والسلام السديد الجواب النبوي اعملوا. Le premier mot, il est très très important. I'amal ou œuvrer. Fais des œuvres. Pourquoi? Les Anna, tu as été créé que pour cela. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas un tas ton destin. Fais des œuvres. Et si tu es sincère, Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrété pour toi que du bien. Allah subhanahu wa ta'ala, il est juste. Un tas fait des efforts. Mais le qadam, ne réfléchis pas trop sur le destin, ne te pose pas trop de questions. Les Anna, il est déjà écrit. Fais des efforts. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a donné le choix. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il sait tout. Fais des efforts. Et tes efforts, ils font partie du destin. قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. Allah subhanahu wa ta'ala, il est juste. Allah, il a facilité à chacun pourquoi sa raison. Et la raison de sa création. Et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a créé. Et il lui a facilité à tariq. Fais des œuvres, akhil karim. قال أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة. أهل السعادة, السعادة c'est le bonheur. أي المؤمنون, les croyants, الله سبحانه وتعالى il leur facilitera عمل أهل السعادة. Tu as remarqué que أنت en tant que croyant, ولله الحمد, tu fais الصلاة, tu fais الصيام. Prends l'exemple de الصيام. الصيام, il faut se priver pendant un mois de manger, boire, avoir des rapports, il a أخره du matin du Fajr jusqu'au coucher du soleil, pendant un mois. Si tu arrives à faire ce mois, bien sûr avec les autres adorations, la Salah, Tawhid, etc. Lakin, cet exemple, il peut te clarifier jiddan cette mas'ala. Si tu arrives, fa'alam anna Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a facilité. Et abshir anna Allah subhanahu wa ta'ala, il facilite le siyam li ahli sa'ad. À ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala, il veut du bien et il leur donnera une énorme récompense. Prends le cas du kafir. Al-kafir, on ne parle même pas est-ce qu'il jeûne ou pas. Hum, il ne jeûne pas. Le fait de penser, ils n'arrivent pas à comprendre. Khassatan quand c'était en été. Ils n'arrivaient pas à comprendre comment un musulman il peut ne pas boire du matin au soir. Khassatan en été, ça peut durer 12 heures, 13 heures, 15 heures, 16 heures, 17 heures, ça dépend des endroits. À 17 heures ou 16 heures sans boire, de 4-5 heures du matin jusqu'à 22 heures à peu près, c'est une très longue durée. Et le musulman, il arrive à patienter. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala yassara. Tu trouves Ra'd al-Mu'minin ou l'Ilham du travail. Et peut-être qu'ils sont exposés au soleil, peut-être qu'ils font des efforts et là, ils arrivent à tenir. Bi'idhnillahi azza wa jal. Tu trouves un kafir, si pendant une demi-heure il ne boit pas au travail, il ne peut plus. Pourtant, il a le même physique que toi, ben, peut-être que physiquement il est plus fort que toi, en meilleure santé. Lakin, Allah subhanahu wa ta'ala, il facilite à qui il veut. Et amalou fa kullun muyassarun lima khuliqala. Fa maintenant le Ramadan il arrive. Est-ce qu'on va dire là, je ne fais pas Ramadan, peut-être que Allah il l'a pas décrété pour moi et on ne fait pas Ramadan, na'oudou billah. Ça fait partie de l'invisible pour toi, tu ne sais pas. Donc aie la bonne intention, fais Ramadan une fois que tu auras fini Ramadan. Alhamdulillah, c'est qu'Allah il t'a facilité, c'est ton destin et tu es sur la bonne voie et avance. Toutes les adorations fait comme cela. Qala ثم قرأ صلى الله عليه وسلم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى متفق عليه ثم النبي صلى الله عليه وسلم إلى لو ce verset فأما من أعطى واتقى celui qui donne qui craint Allah عز وجل أي le croyant وصدق بالحسنى الإيمان il croit فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى Allah subhanahu wa ta'ala, il facilite à eux. Et c'est leur destin. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى Celui qui est avare. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى Et il ne croit pas. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى عَيَدًا بِاللَّهِ سِقَارٌ قال الشيخ سعد رحمه الله والتوضيح ذلك أن العبد إذا صلى وصام وفعل الخير أو عمل شيئا من المعاصي كان هو الفاعل لذلك العمل الصالح وذلك العمل السيء. Vous vous rappelez de Kalam Cheikh l'Islam Taymiyyah rahimahullah? On peut le répéter. قال والعباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم. Et vous avez remarqué que هذه الأفعال تنسب إلى العبد. Le kafir c'est l'être humain. Le musulman c'est l'être humain. Celui qui suit la voie droite c'est l'être humain. Et c'est l'être humain qui fait ces choses. Donc ces choses on l'appelle avec ces choses. Donc ça montre que c'est l'être humain qui fait vraiment cette chose. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala nous jugera par rapport à ses œuvres. Et vu qu'on n'est pas forcé, c'est la justice. Tu as bien fait, tu mérites la récompense. Tu n'as pas fait, tu as désobéi. Ayyadan billah, tu mérites le châtiment. Amma le fait de penser que l'insan il est contraint, il n'a pas le choix à cause du qadar, c'est très très grave. Qala وفعله المذكور بلا ريب واقع باختياره وهو يحس ضرورة أنه غير مجبور على الفعل أو الترك وأنه لو شاء لم يفعل نعم هذا واضح قال on répète وفعله المذكور بلا ريب واقع باختياره il y a aucun doute أن ce que tu fais أخي الكريم c'est que tu as le choix. قال وهو يحس ضرورة أنه غير مجبور. Et on le sent. Est-ce que tu sens un tel an que tu es forcé? Là, la preuve, c'est quand tu es vraiment forcé, il y a une énorme différence. مثلاً واحد, il décide de ne pas faire la salat à l'heure. Il sent qu'il n'est pas forcé. La preuve, c'est que s'il veut la faire, il se lève et il la fait. Un autre musulman, il est contraint de retarder la salat. Il veut la faire, lakin, مثلاً, on qadar des personnes, ils le retiennent. Ils lui disent là, tu fais pas ça là. Enfin, il y a une énorme différence entre les deux cas. Le premier, il n'est pas forcé. Il la délaisse lui-même, il voudrait la faire, il la fait. Le deuxième, il veut la faire, mais il est contraint, il est forcé. Hada, hada kalamuhu, wa huwa yahus. Et chacun ressent hada. Qala, وكما أن هذا هو الواقع فهو الذي نص الله عليه في كتابه ونص عليه رسوله صلى الله عليه وسلم حيث أضاف الأعمال صالحها وسيئها إلى العباد وأخبر أنهم الفاعلون لها وأنهم محمودون نعم قال في نسخة ممدوحون عليها نعم المحمود الممدوح ça se ressemble أي si c'est du bien ils seront récompensés, ils sont complimentés. Anahum, ils ont fait des œuvres pieuses. Anahum, ils ont fait le jihad. Anahum, ils ont accompli leur salat, ils ont jeûné, etc. قال محمودون عليها إن كان الصالح ومثابون عليها ومذمومون. المذموم c'est le contraire de المحمود أو الممدوح. أي مثلا الكفار. أنهم c'est الشر البرية. أنهم c'est الشر الخليقة. أنهم c'est des مفسدون. أنهم c'est des كفرة, etc. قال إن كانت سيئة ومعاقبون عليها نعم. Donc chacun sera jugé par rapport à ses œuvres et tout cela s'est fondé sur la justice. قال فقد تبين بهذا واتضح بلا ريب أنها واقعة منهم وباختيارهم وأنهم إن شاءوا فعلوا وإن شاءوا تركوا. Et هذا c'est clair. Personne ne renie هذا إلا ممسوخ الفطرة. Sauf quelqu'un, yadam billah, qui s'est égaré. Sa fitra, sa raison, sa saine nature, yadam billah, talawathad bi al-bida' wa shubah. قال وأن هذا الأمر ثابت عقلا وحسا وشرعا ومشاهدة. نعم, la raison. Et ce qu'on voit, ce qu'on ressent, ce qu'on vit tous les jours, bien sûr les textes, et ce qu'on vit. Tout ça, ça montre qu'on a le choix. قال ومع ذلك فإذا أردت أن تعرف أنها وإن كانت كذلك واقعة منهم واعترض معترض وقال كيف تكون داخلة في ذلك أو كيف تكون داخلة في القدر وكيف تشملها المشيئة فيقال بأي شيء وقعت هذه الأعمال الصادرة من العباد خيرها وشرها فهي بقدرتهم ومشيئتهم وإرادتهم وهذا يعترف به كل أحد ويقال أيضا إن الله خلق قدرتهم ومشيئتهم. نعم. Si quelqu'un se demande mais comment rassembler le fait que tout est écrit et que l'être humain il a le choix. قال أولا قال بأي شيء وقعت هذه الأعمال الصادرة من العباد خيرها وشرها فهي بقدرتهم ومشيئتهم. أي celui qui fait l'œuvre c'est l'être humain. La preuve si tu veux tu fais si tu veux tu ne fais pas. قال فيقال أو هذا on l'a cité ويقال أيضا إن الله خلق قدرتهم ومشيئتهم وإرادتهم فالجواب الذي يعترف به كل أحد أن الله هو الذي خلق قدرتهم وإرادتهم وهو الذي خلق ما به تقع الأفعال كما أنه الخالق للأفعال وهذا هو الذي يحل الإشكال ويتمكن العبد أن يعقل بقلبه اجتماع القدر والقضاء والاختيار. Donc Al-Insan, c'est lui qui fait l'œuvre, et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a tout créé, qui a tout décrété. Il n'y a aucune contradiction. Si tu as hadal iman, ces deux points importants dans le qadr, que tout est décrété, et que l'être humain, c'est lui qui fait, qui a le choix, la preuve, Allah, il te jugera. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va pas te juger sur une chose que ce n'est pas toi qui as faite, ou une chose dont tu n'avais pas le choix. Allah subhanahu wa ta'ala, قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Allah subhanahu wa ta'ala, il a pardonné à celui qui se trompe. Celui qui oublie, celui qui est forcé, qui est contraint. Donc ça montre que celui qui sera jugé, il n'a pas oublié, il ne s'est pas trompé, il n'était pas contraint. Ah, là, c'est clair, en fait. قال ومع ذلك فهو تعالى أمد المؤمنين بأسباب وألطاف وإعانات متنوعة وصرف عنهم الموانع. مع هذا الله سبحانه وتعالى ينفسيت. Tu te trompes, il te pardonne. Tu fais التوبة, il te pardonne. Tu fais des hasanats, il te récompense. Belles, elles sont multipliées par 10. Belles, ça peut aller jusqu'à 700. Belles, akthar. Allah subhanahu wa ta'ala, il te facilite un compagnon, un ami qui t'aide. Wa hakadha. Allah subhanahu wa ta'ala, latifun bil ibad, il est kerim. Ça nous montre, hein, à ceux qui ont des problèmes dans la croyance au destin, qui ont des doutes, qui ont des ambiguïtés, en fait, ils ne connaissent pas Allah azza wa jal. Ou ils ont une mauvaise pensée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa illa celui qui connais les noms d'Allah Azza wa Jal, en Allah Azza wa Jal, Hakamun, Adlun, Karimun, Hakimun, Rahimun, Halimun, Latifun. Jamais il va penser en Allah subhanahu wa ta'ala, il a tout décrété, on est forcé, on n'a pas le choix, et il va nous châtier. Na'oudou billah min hadha al-mu'taqad. قال وصرف عنهم الموانع كما قال صلى الله عليه وسلم وأما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة. تأمل قوله فييسر. Ça vient de l'yusr. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il te facilitera. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a choisi en tant que mu'min, il te facilitera. Fais du bien. Fais du khir. Fais des efforts. Accroche-toi. Et bi'idhni Allahi azza wa jal, tu réussiras. وكذلك خذل الفاسقين ووكلهم إلى أنفسهم ولهم نعم قال في الحاشية الصواب ولم يعنهم نعم dans le livre ولهم c'est une erreur claire الصواب ولم يعنهم قال ووكلهم إلى أنفسهم ولم يعنهم لأنهم لم يؤمنوا به ولم يتوكلوا عليه فولاهم ما تولوه لأنفسهم. Ça nous montre qu'on a celui qui ne croit pas, qui ne veut pas la vérité, qui n'accepte pas la vérité. Son cœur, il est rempli d'orgueil, il ne place pas sa confiance en Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'égare. Allah subhanahu wa ta'ala, il le délaisse. Il a dit dunya, profiter, iyadam billah, comme un animal. Thumma yawm al-qiyama, les comptes. قال ولما ذاق تحقيق هذا المقام على قلوب كثير من الخلق انحرفت هنا طائفتان من الناس. On répète, on a les 4 degrés du Qadr. Al-ilm, la science, al-kitab, Allah il a tout écrit, al-mashi, Allah il a tout voulu, Allah subhanahu wa ta'ala il a tout créé, al-khalq, la quatrième. Donc moi tu as 2 points importants. Allah subhanahu wa ta'ala il a tout décrété, donc c'est les 4 fonds, les 4 degrés. Et Allah subhanahu wa ta'ala il a donné al-mashi wal-qudra lil-abd. Allah subhanahu wa ta'ala il a donné la volonté et la capacité aux êtres humains et aux djinns. فلهذا il leur a ordonné de l'adorer. قال عز وجل وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. C'est pour ça que les animaux, vu qu'ils n'ont pas cette qudra, ils n'ont pas cette capacité, les arbres, les murs, les plantes, ils n'auront pas de compte à rendre comme les êtres humains. Et ils n'auront pas au paradis ou en enfer. هذا c'est pour المكلف, les djinns et les êtres humains. Si tu as compris هذا والله الحمد, tu seras sur le droit chemin. Vu que des groupes, ils ont accepté certaines choses, ils ont rejeté d'autres, ils se sont égarés, ça nous a donné 2 extrêmes. Ta'ifatan min an-nas. Qala ta'ifatun yuqalu lahum al-jabriyya. Le premier extrême, le premier groupe, al-jabriyya. Ça vient de al-jabr. Al-jabr, quelqu'un qui est majbour, c'est quelqu'un qui est forcé, qui est contraint. Ha'oula, ils ont une aqida, le destin, c'est la vérité, et on n'a pas le choix. Donc on est tous forcés. قال غلوا في إثبات القدر. Donc ils ont accepté le destin. لكن ils ont exagéré. وتوهموا أن العبد ليس له فعل حقيقة. Et ils ont pensé que l'être humain il n'avait pas le choix. تأمل قوله أن العبد ليس له فعل. Et ce que l'être humain il fait, c'est pas toi qui le fais. Anta t'es comme poussé de force. Tu fais du bien, tu n'as pas le choix. Tu fais du mal, tu n'as pas le choix. Donc, est-ce que c'est l'être humain qui fait vraiment عندهم là? Il est majbour. قال وأنه لا يمكن أن يثبت للعبد عموم المشيئة ويثبت للعبد اختيار. Ils ont pensé qu'il y avait une contradiction. Le fait de dire que tout est décrété et que l'être humain, il a une volonté, il a le choix, etc. Ils se sont égarés. هؤلاء c'est الجبرية الجهمية. الجهمية dans باب القدر. Ils sont à la aqidati al-jabriya. Et ils se sont égarés. الطائفة الثانية قال والطائفة الأخرى القدرية قابلتهم فشهدت وقوع أفعالهم بقدرتهم واختيارهم وتوهموا أنه لا يمكن مع ذلك أن تدخل في قضاء الله وقدره ولم تتسع قلوب الجبرية والقدرية للجمع بين الأمرين. القدرية ماذا قالوا؟ Ils ont accepté le fait que l'être humain, il agit, il a le choix, etc. Ils ont exagéré. Ils ont pensé que ça contredisait le destin. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que les œuvres, ce qu'on fait, ça ne fait pas partie du destin. Ils ont dit le destin, c'est une chose. Mais ce qu'on fait, les premiers, La première génération de l'Qadariya, ils ont dit Allah subhanahu wa ta'ala, il sait pas. Haoulas des koufars bil ijma', il n'y a aucun doute. Et taqaddam ma'ana haoulas, ils n'existent plus en tant que groupe. Et ceux qui sont propagés l'an, al-Qadariya al-Mu'tazila, et yaqulun, anna af'al al-ibad, c'est pas Allah qui les a créés. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas voulu le mal. Al-Mashi'a, c'est que le bien, le mal là. Et ils se sont égarés. Vous avez remarqué que les deux groupes, ils se sont égarés dans les deux points cités précédemment. فلهذا قال الشيخ سعدي رحمه الله ولم تتسع قلوب الجبرية والقدرية للجمع بين الأمرين. قوله لم تتسع قلوب الجبرية أي leur cœur, ils n'ont pas pu accepter toutes les preuves du destin. Et même ils ont accepté une partie, et bien sûr ils ont rejeté une autre. Et même l'autre groupe, ils ont accepté une autre partie, ils ont rejeté une autre. Ça nous montre un la principale cause d'égarement, c'est de ne pas accepter toutes les preuves. On fait attention. On fait attention, on doit accepter tout. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On doit accepter Kalam Allah Azzawajal et Kalam Rasoulihi sallallahu alayhi wa sallam. Limada, il y en a celui qui accepte un texte et il rejette l'autre, fait le haqiqa. Il suit ses passions. Pourquoi tu as accepté ce texte et pas l'autre? Pourquoi tu rejettes pas l'autre et tu ne prends pas l'autre? Pourquoi tu ne prends pas tout et c'est ça le wajib? فلهذا انحرفوا قال فرد كل منهما قسما كبيرا من نصوص الكتاب والسنة المؤيدة للقول الصحيح نعم ils se sont égarés, ils ont rejeté des textes clairs. قال رحمه الله وهدى الله أهل السنة والجماعة آمنوا بجميع الكتاب والسنة وآمنوا بقضائه وقدره وشمولهما لكل موجود وبشرعه وأمره وأن العباد فاعلون حقيقة مختارون أهل السنة ولله الحمد ils ont accepté جميع النصوص tous les textes du Coran et de la Sunna. Donc ils ont la croyance que Allah subhanahu wa ta'ala il a tout créé, il a tout décrété et هذا ça englobe bien sûr tout les kulli mawjoud, tout ce que Allah il a créé, ils ont cru au texte du Coran, de la Sunna, et كذلك أن العباد فاعلون, ils ont la croyance que l'être humain, c'est lui qui fait, et l'être humain, il a le choix. قال فإيمانهم بعموم القدر يوجب لهم الاستعانة التامة بربهم لعلمهم أنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. هنا, رحمة الله عليه, à partir de ce passage, il a cité les fruits. Les fruits bénéfiques profitables de Hadal Iman bil Qadar. Et celui qui croit au Qadar, bien sûr, selon la voie des salafs, selon la voie de Ahl Sunnah wal Jama'a, ça va faire monter son Iman. Et ça va lui permettre d'accepter beaucoup de choses, de patienter sur beaucoup de choses, de faire beaucoup de choses, de ne pas désespérer. Toujours espérer en la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qala fa imanuhum bil Qadar. فإيمانهم بعموم القدر يوجب لهم الاستعانة التامة بربهم لعلمهم أنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. الثمرة الأولى, le premier fruit, أن هذا الإيمان بالقدر il va avoir pour conséquence أن هذا المؤمن il va placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, il va demander l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala. لماذا؟ لأنه ce مؤمن il a la conviction que tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut, ça se passe. Ce que Allah il ne veut pas, ça se passe pas. Donc il va demander à Allah azza wa jalla. Vu que, matalan, ce mu'min, il voudra la guider, il va la demander à Allah Azzawajal. Vu que ce mu'min, il ne voudra pas être égaré, il va demander à Allah Azzawajal qu'il le préserve de l'égarement. Ou hakada, s'il veut de l'argent, hakada, s'il veut se marier, hakada, s'il veut du ilm, hakada, s'il veut la bonne santé, etc. قال وأنه له في عباده المؤمنين لطافا وتيسيرا لا يناله إلا بقوة الإيمان والتوكل عليه وأوجب لهم إيمانهم بالشرع والأمر والنهي والأسباب وأنها مرتبطة بمسبباتها شرعا وقدرا الجد والاجتهاد في فعل الأسباب النافعة الدينية والدنيوية كذلك الإيمان أن الله عز وجل il a donné la capacité au abd. Il lui a donné le choix. Kadhalik, l'être humain doit bien sûr appliquer les causes. Kadhalik, Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé le Coran au prophète Mohammed a.s. Kadhalik, la sunna pour qu'on applique. Tout ça, ça va pousser hadha al-'abd lil-jidd wal-ijtihad. Faire des efforts. Fi fi'l al-asbab, pour faire ses causes. Enfin, ce mu'min, il croira au qadar et sa croyance au qadar, elle va le pousser à faire les causes. C'est pour ça que celui qui pense que, vu qu'on croit au destin, on ne fait pas les causes, il a une mauvaise croyance au destin. L'imam, ça ne se contredit pas. Si tu vois quelqu'un faire beaucoup de causes, bien sûr, des causes qui sont à leur place, légiférées, sans exagérer, etc., ça montre qu'il a l'iman bil qadar. C'est pour ça qu'en faisant des causes, non, mais bil qadar. On dit que c'est une cause. Al-umur bi-idnillahi azza wa jal. Si Allah il l'a qadar, ça se passera. Si Allah il ne l'a pas qadar, ça ne se passera pas. Amma nahnu, on fait les causes. Et les causes, ça fait partie du destin. Qala, wa bidhalika ta'rif anna al-iman as-sahih sababun li kulli khayr. Al-iman as-sahih, c'est la cause de tout le bien. Si tu as une foi correcte, cette foi correcte, elle te poussera qu'à faire du bien. La foi en Allah subhanahu wa ta'ala, en ses anges, en ses livres, en ses messagers et prophètes, au jour dernier, au qadar, ça va te pousser qu'au bien. La foi, maintenant, au jour du jugement dernier, tout ce qui se passera après la mort, ça va te pousser qu'au bien. Tu vas te préparer. La foi au qadar, ça va te pousser à faire les causes. Tu sauras que le destin, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a décrété et Allah il t'a ordonné de faire les causes. Tu fais les causes. Et des causes, elles font partie du destin. هذه الأصول العظيمة. قال ومن فوائد الإيمان بالقضاء والقدر أنه يوجب للعبد سكون القلب وطمأنينته وقوته. نعم سكون القلب. نعم أنه يوجب للعبد سكون القلب وطمأنينته وقوته وشجاعته لعلمه أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. Et ça, c'est من أعظم الثمرات. أن من فوائد الإيمان بالقضاء والقدر. Qu'est-ce que tu vas profiter si tu crois au iman, tu crois plutôt au destin et à tout ce que Allah il a décrété, ça va te permettre de te reposer. سكون القلب. نعم, أنه يوجب للعبد سكون القلب. Donc, ça va te reposer جدا. As-sukun, c'est que ton cœur il va être tranquille. Tu vas être reposé, apaisé. L'imam, tu sais que al-umur c'est bi qadarillahi azza wa jal. Maintenant, cette situation qu'on vit, cette épreuve, cette pandémie, comme minan-nas, ils ont une faiblesse dans la foi au destin. Ou, hal al-kuffar, ils ne croient pas totalement au destin et ils sont fi qalaq. Bardoum, ils arrivent plus à dormir, bardoum, ils n'arrivent pas à patienter. Face à cette épreuve par rapport au confinement, Bardoum, ils se posent des questions, Bardoum, ils ont peur de tomber malade. Les malades, ils n'ont pas l'iman bil qadar, ils ont des faiblesses, si c'est des croyants. Mais celui qui a l'iman, il est tranquille. Il fait les causes. Comme Atakwaddam. Matalan, il respecte le confinement, il ne se mélange pas, etc. Alhamdulillah, il est tranquille. Ça doit arriver, ça arrivera. Ce virus, il connaît pas de frontières. Il vient jusqu'à chez toi. Si Allah il a qadr, tu tomberas malade. Fais les causes. Allah il t'a ordonné de faire les causes. La maladie, c'est pas toi qui gère. Tu tombes malade, tombes pas malade, ça vient pas de toi. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a décrété cela. Anta fait les causes. Qala wa tumaninatihi wa quwwatihi. Kadhalik, tu trouveras celui qui a l'iman bil qadr, il sera très très fort dans son dîn. Khassatan fi fi'l ta'at. مثلا celui qui croit au qadar, adorer Allah subhanahu wa ta'ala, même si les gens ils le combattent, même si les gens ils le menacent, il a akhiré, ça fera que le renforcer. Parce qu'il sait que tout est bi qadarillah. Allah il lui a ordonné de l'adorer et Allah subhanahu wa ta'ala il le secourra. Mais celui qui réfléchit qu'aux causes, là on a un autre problème, ils font les causes, ils s'accrochent trop aux causes. Et ils oublient, ou ils ne croient pas au destin, ah, ou là, ils faiblissent très très vite. Maintenant, je travaille dans une entreprise, dans un endroit. Je dois faire la salat. C'est Allah qui a ordonné de faire la salat. Tout le monde doit faire la salat. Dans ce travail, il n'y a pas que moi. Tout le monde doit la faire normalement. En Qadr, il n'y a que toi qui dois faire la salat, ou qui fais plutôt la salat. Ne crains personne, crains Allah Azzawajal. Fais la salat et laisse pas Shaitan rentrer et te faire croire que la salat, elle va te faire perdre ton travail. Abadan. Tout ça, c'est biqadarillah. Fais la salat et Allah subhanahu wa ta'ala, il te facilitera. Comme mes ikhwa, ils ont fait la salat à l'heure, ils n'ont jamais été renvoyés. Bel wallahi, yanna ba'dahum, ils ont fait la salat et le patron, certains, c'était des kuffars et ils leur ont facilité. Ils leur ont donné un endroit, il a akhri. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guide les cœurs. Mais c'est quoi qui va nous permettre à ne pas paniquer, ne pas avoir peur de perdre notre place? C'est Al-Iman bil-Qadar. Je sais que tout est écrit. Anna, je fais. Et fonce, fais, tu verras, alhamdoulilah, les portes qui s'ouvrent. En Qadar, tu te fais renvoyer, tu te fais. Ça fait partie du Qadar. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il veut pour toi une meilleure place. Et tu trouveras une meilleure place. En Qadar, tu trouves rien. Patiente jusqu'à que tu meurs. Yom al-Qiyamah, tu auras une énorme récompense. Al-Qadar, ça donne beaucoup de force. Qala. Pourquoi il y en a celui qui a la foi, cette foi au Qadar, il saura que ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a décrété pour lui, ça te touchera forcément. L'amyakun, tu ne pourras pas échapper. Kadalik, ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a décrété que telle chose tu ne l'auras pas, tu ne l'auras pas, même si tu fais les causes. Allez, celui qui a l'iman bil Qadar, on Qadar que tu espérais une chose, tu ne l'as pas eue. Maintenant, ils sont éprouvés, ils n'ont pas d'enfants. C'est min qadarillahi azza wa jal. Si Allah il a décrété que tu n'auras pas fait, que tu n'auras pas d'enfants, même tu te maries avec une, deux, trois, quatre femmes, si Allah il a pas qadar, tu n'en auras pas. Hadha l'iman bil qadar, il va te tranquilliser, il va te reposer. Alhamdulillah, Allah il a qadar que j'aurai pas d'enfants. Wa hakada, chaque mas'ala. Qal wa annahu yusli l'abd ani al-masa'ib. ويوجب له الصبر والتسليم والقناعة بما رزقه الله قال الله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه قال بعض السلف هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم ça c'est une tamara كذلك عظيمة par rapport aux épreuves أن العبد qui est touché par une épreuve et qui a cette croyance au qadar ça va être une tasliya pour lui la tasliya c'est ça va te consoler. Tu es touché par cette épreuve, par cette maladie, par la perte d'un proche, ça fait mal. Pourquoi? Parce qu'on est des êtres humains, c'est tout à fait normal. Lakin ce iman bi qadar, ça va te réconforter. Ça va te consoler, ça va te permettre de patienter. Qala rahimahullah wa yujibu lahu sabr wa taslim. Tu vas patienter et kadalika taslim, tu vas accepter, tu vas te soumettre. Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrété que ton enfant il meurt, ton père il meurt, ta mère elle meurt, moi un de tes proches, tu accepteras at-taslim. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est passé, c'est min qadarillah. Tu peux rien faire. Lakin al-shaytan, il pousse certains à essayer de se rebeller, à se lamenter, à dire des mauvaises choses. L'iman bil qadar, il est faible. Ou il n'existe pas, yadam billah. Inda ba'd al-nas. قال والقناعة بما رزقه الله قال الله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه كذلك القناعة أن الله سبحانه وتعالى il a décrété que ce mois-ci tu auras telle et telle chose, celui qui a l'iman bil qadar c'est yaqna ou yaqtani'. Limada? C'est qadar Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez remarqué que certains ils font beaucoup d'efforts et ils touchent moins que certains qui font moins d'efforts. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ce qu'il veut, il donne à qui il veut. Azza wa jal. Si tu as hada l'iman wallahi alhamd, tu vas te suffire. Oh, le peu, ça va te suffire. Bi-idhnillah azza wa jal. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Certains salafs, ils ont dit, huwa ar-rajul tusibuhu al-musibah, fay'lam annaha min 'indillah, fayarda wa yusallim. Celui qui croit en Allah, wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Allah, il guide son cœur. Ba'd as-salaf, ils ont dit, c'est rajul, c'est qui ces gens que Allah, il a guidé leur cœur. C'est un homme qui est touché par une épreuve. Il sait que cette épreuve, c'est min Allah. Ay, ça fait partie du décret d'Allah azza wa jal, ça fait partie du destin. Il accepte et il se soumet. قال ومن فوائده أنه يوجب للعبد شهود منة الله عليه فيما يمن به عليه من فعل الخيرات وأنواع الطاعات ولا يعجب بنفسه ولا يذل بعلمه بعمله نعم ولا يدل بعمله لعلمه أنه تعالى هو الذي تفضل عليه بالتوفيق والإعانة وصرف الموانع والعوائق وأنه لو وكل إلى نفسه لضعف وعجز من العمل كذلك الإيمان بالقدر سد ونبوسا اتخو كونسان شهود منة الله عز وجل علينا لماذا لأن استوى في cette chose c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a décrété avant que tu sois créé. انظروا celui qui réfléchit avec la compréhension des salafs, des savants de la sunna. Annahu, quand il a une ni'ma, il se rappelle que c'est le qadar, donc c'est Allah qui lui a décrété, c'est Allah qui lui a facilité, ça le pousse à être reconnaissant. Vous avez remarqué qu'ils se plaignent que quand ils sont touchés par une mauvaise chose, Et quand ils sont touchés par une bonne chose, ils oublient la reconnaissance envers Allah. Et quand ils sont touchés par une mauvaise chose, directement, mais pourquoi moi, et là, bah pardon, ils insultent Allah, pardon, ils rejettent le destin. Iyadam billah. Ça nous montre un insan, il est comme ça en général. Kafour, jahoul, il oublie très très vite. قال كما أنه سبب لشكر نعم الله مما ينعم عليه من نعم الدين والدنيا فإنه يعلم أنه ما بالعبد من نعمة إلا من الله وأن الله هو الدافع لكل مكروه ونقمة نعم وما بكم من نعمة فمن الله. Donc ça pousse l'iman à être reconnaissant, à patienter, à ne pas se précipiter, à accepter, à se soumettre. فالإيمان بالقدر, ça renferme tout le bien. On doit faire des efforts pour apprendre notre aqidah, s'écarter des doutes, s'écarter de la polémique fi hadha al-bab, se placer sa confiance en Allah Azza wa Jal et arrêter de se poser trop de questions fi hadha. Naam, lianna al-qadar, ça fait partie de al-ghayb pour nous. Donc natawakkal ala Allah et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq wa sadad. Baqiya une mas'ala avant de finir pour compléter hadha al-bab. Et c'est lié avec ce qu'on vient de voir. Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah ta'ala, dans son sharh, il a cité une mas'ala muhimma. Anna ba'd an-nas, et fil haqiqa, ta'atharu bi aqidati al-jahmiyya al-jabriyya. On a déjà expliqué cette mas'ala dans sharh al-usul al-thalath, dans al-lamiyya, dans beaucoup de livres, walillahi alhamd, dans le taqrib. Lakin on la répète huna lil-ahammiya et lil-munasaba kazalik. Mas'alat al-ihtijaj bi al-qadar ala fi'la al-ma'asi. Al-ihtijaj ala fi'la al-ma'asi bil-qadar. Bar de nas, quand tu leur dis arrête de faire telle chose ou pourquoi tu fais telle chose, ils disent c'est mon destin, c'est le qadar. Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a décrété. C'est lui qui a décrété ceci. Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, comme on l'a dit, il a expliqué avec un kalam jamil, wa nulakhissuhu li'annahu dhahaba al-waqt. Awalan, cette shubha, iyadam billah, c'est shubhatu al-mushrikin, al-awalin. Qala azza wa jal, sayakulu alladhina ashraku law sha'a Allahu ma ashrakna. ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء قال عز وجل كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قوله سيقول الذين أشركوا أي ceux qui font du shirk ils diront لو شاء الله ما أشركنا si Allah il aurait voulu on n'aurait pas fait de shirk exactement comme certains ils disent l'un si Allah il aurait pas voulu j'aurais pas fait en gros ne me réprimande pas ne me conseille pas. Ne me dis rien, c'est Allah qui a décrété. Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayhi, il a répondu avec plusieurs points. Avec plusieurs points, min al-Qur'an, min al-Sunnah, pour répondre à cette ambiguïté. Amma al-Qur'an wa al-Sunnah, falillahi alhamd, taqaddam ma'ana. On a étudié ensemble la aqida d'ahl al-Sunnah fi al-Qadr. وفي القضاء والقدر أما الأدلة العقلية كلا سيتيفا طيبة قال وأما الدليل العقلي على بطلان احتجاج العاصي بالقدر على معصية الله أن نقول له ما الذي علمك بأن الله قدر لك أن تعصيه قبل أن تعصيه هذا سنجواب سديد موفق هذا الإنسان كي سباس شغل الدستان pour se consoler avec le haqiqa, pour réconforter sa position, pour repousser celui qui le conseille. Alors il dit, de toute façon, c'est mon destin. La première question qu'on pose à Haoula, qui c'est qui vous a informé que c'était votre destin? Avant de faire. « Malladhi a'lamak bi anna la qaddara lak an ta'asih qabla an ta'asih » Madalan, بعض الناس ils font des ma'asih, ils ont l'habitude de faire des péchés. Si tu les conseilles, dis c'est mon destin. On lui dit, madalan, l'un, je te conseille. Ne fais pas telle chose. Le destin, tu le connais pas. Tu n'as pas encore fait cette chose aujourd'hui. Matalan, il comptait faire ce péché ce soir, demain. On lui dit, awalan, tu ne sais pas. Donc ne dis pas, c'est le destin, tu ne sais pas c'est quoi ton destin. Le destin, tu le sais quand tu fais la chose. Celui qui connaît l'invisible, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, هذا اولا. ثم قال فنحن جميعا لا نعلم ما قدر الله الا بعد ان يقع اما قبل ان يقع ولا ندري ماذا يراد بنا فنقول العاصي. On dit كذلك à cet homme ou cette femme qui font des péchés et qui se basent sur le destin. هل عندك علم قبل ان تمارس المعصيه ان الله قدر لك المعصيه سيقول لا. Il dira forcément non. On lui dit, est-ce que maintenant tu sais si demain tu vas faire ce péché? On ne parle pas de ton intention, tu as l'intention de la faire, tu veux le faire, mais est-ce que tu vas le faire? Il va dire là. Est-ce qu'il va être vivant? Est-ce qu'il pourra le faire? Moi, il y a beaucoup de choses. Il dira forcément non. فنقول اذا لماذا لم تقدر ان الله قدر لك الطاعه وتطيع الله. Pourquoi dans ce cas tu ne dis pas l'inverse? Tu dis باذن الله عز وجل demain je ne vais pas faire ce péché. Belle, demain je vais faire telle adoration et cette adoration c'est le destin. Pourquoi tu ne fais pas l'inverse? Ça nous montre que les gens ils suivent leur passion. Et ils prennent cette hujja du qadr pour repousser les autres. Khasatan al-nasihun, al-amirun bil-ma'ruf, al-nahun anil-munkar. Et ça c'est mauvais. Cet être humain qui te conseille, il veut que ton bien. Et le fait de le repousser avec le qadr ou autre, cet être humain il fait qu'aggraver sa situation. Et l'insan il doit penser au jour du jugement. Celui qui te conseille il veut ton bien. ثم قال فالباب أمامك مفتوح فلماذا لم تدخل من الباب الذي تراه مصلحة لك لأنك لا تعلم ما قدر له. Tu as deux portes en face de toi, une porte de bien et une porte qui pousse au mal. لماذا choisir la porte qui pousse au mal et dire c'est le destin? Ouvre la porte qui pousse au bien, les adorations, et dis c'est mon destin. Allah m'a décrété هذا. فسنيسره لليسرى. Donc choisis هذا الباب العظيم, أي la porte du bien, ouvre-la. قال واحتجاج الإنسان بحجة على أمر فعله قبل أن تتقدم حجته على فعله احتجاج باطل لأن الحجة لابد أن تكون طريقا يمشي به الإنسان إذ إن الدليل يتقدم المدلول. كذلك le fait de prendre comme argument al-qadar c'est faux. Ça repose sur rien. Pourquoi? Parce que comment tu peux prendre un dalil que tu ne connais pas? Le qadar, c'est une chose pour nous. Notre qadar, on ne sait pas, مثلا, ce soir, qu'est-ce que Allah il a destiné pour nous. Donc, si on prend cela comme argument, on dit c'est le destin, c'est faux parce qu'on ne le connaît pas. Donc, c'est un point important. Une autre réponse, Mouvida. Alasta law dhukira lak anna li makkata tariqayn. أحدهما طريق معبد آمن والثاني طريق صعب مخوف ألست تسلك الآمن سيقول بلى. On dit à cette personne, tu as le choix l'un pour aller à Mecca ou pour aller dans n'importe quelle ville. Tu as deux routes, une route dangereuse et une route où Allah ilham de la sécurité. Tu vas choisir quelle route? N'importe quel être humain sensé, doué de raison, il va dire je prends la route où il n'y a pas de danger, etc. شيخ العثيمين قال فنقول إذا لماذا تسلك في عبادتك الطريق المخوف المحفوف بالأخطار وتدع الطريق الآمن الذي تكفل الله تعالى بالأمن لمن سلك فقال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهذه حجة واضحة. Pourquoi quand il s'agit du din, certains ils prennent le chemin dangereux, le chemin qui peut causer leur perte, le chemin qui est semé de d'embûches, de mauvaises choses pour leur dîn, pour leur dunya, pour ici-bas, pour l'au-delà. Pourquoi dans ce cas-là? Dans dunya, tu choisis le chemin sécurité, etc. Pourquoi pour l'au-delà, pour ton dîn, tu prendrais le chemin mauvais et après tu dis c'est le destin? Est-ce que quelqu'un, tu as déjà vu quelqu'un, il saute par la fenêtre et il dit c'est le destin? Ou quelqu'un, il se met des coups, il dit c'est le destin? Ou un, il fait du mal à son enfant, il dit c'est le destin? Là, pour dunya, on veut les meilleures choses. Enfin, pour notre dîn, c'est la même chose. Certains, pour leur dîn, c'est exactement comme si ils faisaient les exemples qu'on vient de citer. C'est comme s'ils se mettaient un coup à lui-même et ils disaient c'est le destin. Voilà, un coup, si tu te mets un coup, ça ne va rien te faire. Amma, délaisser la salat et dire c'est le destin. Qu'est-ce que ça va changer? Allah subhanahu wa ta'ala, il fera rentrer les kuffars en enfer et c'est le destin. Fali hada. روي أن عمر رضي الله عنه أنهم إلى كي أفولي عمر رضي الله عنه إلى لابليكي لابين سور لوي يكوبي لا مان دو فولور إي سيتوم إلى أوتيليزي لو قدر كوم أرغومون إي سي جي في سا سي لو ديستان إكسيتيرا عمر رضي الله عنه إلى ريبوندو أون فا تو كوبي لا مان سي لو ديستان هكذا ندوا ريفليشير. بعض الناس يبخن كوم ارغومون لو ديستان كوم سا لي سوفي اون قدر تو ا ريزون تو تو لي بيشي كو في لا ميكرانس سي لو ديستان لونفير سي لو ديستان كذلك. Et celui qui rentre en enfer, il souffrira, et c'est le destin, et ça va changer quoi? Tu souffriras, tu souffriras. Enfin, pourquoi on réfléchit pas autrement? On fait le bien, on rentre fil jannah bi idnillahi azza wa jalla, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous facilite, et c'est notre destin. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ونقول له لو أعلنت الحكومة عن وظيفتين إحداهما بالمرتبة العالية والثانية بالمرتبة السفلى فأيهما تريد؟ بلا شك ستريد المرتبة العالية. الحكومة Maintenant, tu vis dans un pays et ils te proposent deux postes. Un poste où tu vas toucher 10 000 dirhams, 1 000 euros, 2 000 euros, muhim, une somme. Un autre poste, tu vas toucher le double. Et ils te disent, nous, on cherche quelqu'un, choisis, tu as le choix, prends celui que tu veux. 100% des gens, ils vont prendre au cas. On parle, c'est le même niveau, c'est le même travail, muhim, c'est identique. Il n'y a qu'une chose qui change, c'est le salaire. À n'importe quel être humain, il va dire, vu que c'est pareil, les mêmes heures, tout est pareil, je vais prendre celui qui a autant gagné plus d'argent. Ça, c'est normal. Cheikh Nouzimin قال, بلا شك ستريد المرتبة العالية. وهذا يدل على أنك تأخذ بالأكمل في أمور دنياك. Ça montre que l'être humain, pour sa dunya, tout ce qu'il y a à ce bas monde, il veut toujours le meilleur, et c'est normal. قال, فلماذا لم تأخذ بالأكمل في أمور دينك? Pourquoi tout ce qui est lié à ta religion, tu veux toujours le plus bas? Tu te contentes toujours du minimum? Bel Bardoum, c'est même pas le minimum, c'est, ils veulent perdre leur dîn au nom du qadar. Limada hada? Ça vient de shaitan. Et ça vient de l'insan, ayyadam billah, annahu, il pense beaucoup à dunya. C'est pour ça que vous avez remarqué, et c'est la conclusion de Cheikh Ibn Uthaymeen, ce dernier point, vous avez remarqué que tout ce qui est lié à dunya, les gens, ils oublient le qadar. Il faut faire des efforts. Faut être motivé, faut te lever tôt, fais les causes. Ah non, on l'entend souvent. Pourquoi tu fais pas les causes? Dès que ça parle de dunya, dès que ça parle du din, il se lève à 11h du matin pour faire le fajr, il dit c'est le qadar. Il boit de l'alcool, il dit c'est le qadar. Il ne fait pas salat, il ne fait pas le hajj, il ne fait pas... Mais c'est le qadar. C'est le qadar et Allah il est ghafour rahim. Shubhatul jabriya et shubhat al-murdi'a. Et vous avez remarqué que ces deux shubhats, ces deux caractéristiques, c'est la voie de l'jahmiya. C'est pour ça que هذا المذهب الخبيث مذهب الجهم il est répandu encore de nos jours, même si ce n'est pas un groupe avec les pensées. Ces pensées, elles sont apparues après l'époque de Sahaba radiallahu anhum. Après l'époque des salafs. Elles sont apparues. En gros, ça fait des siècles et des siècles. Et tu as exactement ces shouha qui sont répandus. Sous une autre forme ou chez certaines personnes, c'est des ignorants. C'est pour ça qu'on doit apprendre notre aqida pour combattre ces choubahs avec l'ilm. Montrer aux gens. Bardanas, ils ne savent pas. Bardanas, ils ne connaissent pas. Ils pensent vraiment que, vu que c'est décrété, si je fais un péché, c'est décrété, c'est destiné. Et ça s'arrête là. On doit leur montrer. Khassatan, avec ce genre d'exemple qu'on vient de lire de Kalam Cheikh Ibn Uthaymeen. Il y en a adillat al-nusus, adillat al-Qur'an, al-sunna plutôt, Kalam Ahl al-ilm. On parle des awam, ils ont du mal à comprendre. Si tu viens expliquer à un ami les maratib arba, al-qadariya, al-jahmiya, tout ce qui est lié au fi'l, al-qudra, la capacité de l'être humain, marubama, pour certains awam, c'est très très dur. Lakin, si tu lui le khas avec un verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il a tout décrété. Allah azza wa jal, il veut ton bien, ayyuha al-mu'min. Anna, tu dois œuvrer. Thomas, tu lui expliques par rapport au qadar. Ne pense pas que le destin, tu peux faire ce que tu veux ou tu es forcé. Avec ce genre d'exemple que Cheikh Ibn Uthaymeen il a cité, que n'importe quel doué de raison, ami ou alim, bien sûr, il comprendra. Alhamdulillah, on espère bien que beaucoup de gens y comprendront. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala tawfiq wa sadad. Hada al kalam de Cheikh Ibn Uthaymeen al-akhir min sharhihi ala al-wasitiyya, la dernière page sur le destin, juste avant Al-Iman Qawlun wa Amal. Et on détaillera un peu plus, Inch'Allah Ta'ala, cette mas'ala sur le destin dans le prochain livre qu'on fera, At-Taqrib, Taqrib Al-Tadmouriya, de Cheikh Ibn Uthaymeen, le Asse, l'Imam Al-Taymiya. On essaiera de se baser ou de résumer certains passages de Shifa al-Alil de l'imam al-Qayyim, rahimahullah, faqad wassa'a, il a détaillé jiddan هذا الباب avec كلام السلف فالحمد لله. اما ce qu'on a cité في الواسطية ces deux دروس c'est du خير, beaucoup de خير. On répète les références في القدر, le livre de الإمام ابن القيم رحمه الله شفاء العليل, et كذلك le livre de الشيخ مقبل الجامع الصحيح في القدر. Ces deux livres tu profiteras beaucoup, et bien sûr les explications de l'Ouassatiyya et de Tahawiyya et de l'Iqtisad et de tous les livres de l'Aqidah. Il y a un chapitre sur le destin, laquelle on parle des livres qui ont été écrits que sur le Qadar. Enfin, ces deux livres, c'est des références.